colo, fils de Pékin, je suis le bâtard d'un droit rien. Mes amis m'appellent le ringard, monsieur le prince des grands boulevards. Les petits fachos me crachent dessus quand je suis seul au coin de la rue. Monsieur le curé me fait un sermon quand je lui mets un doigt dans le fion. De la cité, j'habite la rue des mal-aimés. Je suis le prince des caniveaux, mon nom de guerrier, j'y sais le crado. Quand j'étais petit, j'étais loupard, première connerie et c'est le ch'tard. Maintenant je suis grand, j'ai l'air d'un con, derrière ma gueule y'a la zonzon. Fils de ma mère, ma vie à moi, c'est la galère. Les petits bourgeois ne comprennent pas quand je dégueule sur leur face de rat. Ma mère s'appelait la misère quand elle est morte un soir d'hiver. On m'a retrouvé dans une poubelle, c'est mon histoire, elle est cruelle. Demeure là où les gens dorment dehors. Je me dis que je vais mourir demain. Au fond de mes tripes, y'a du chagrin. La vie me marche sur la gueule. Au fond de la nuit, quand je suis seul. Au petit matin, dans le brouillard, j'ai cru entendre du Mozart. De mort, là où les gens dorment dehors. Je me dis que je vais mourir demain. Au fond de mes tripes, y'a du chagrin. La vie me marche sur la gueule. Au fond de la nuit, quand je suis seul. Au petit matin, dans le brouillard, j'ai cru entendre du Mozart. Mozart, tu connais.